Frédéric Sigrist, vous nous avez préparé une chronique blockbuster spéciale football et ça me surprend, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble, on se connaît pas mal et j'ignorais que vous étiez amateur de ce sport. Ah mais j'y connais absolument rien Mathilde. Ah je m'y connais en foot comme Anthony s'y connaît en Île-de-France. Je sais que ça existe mais ça m'intéresse pas. Donc vous boycottez la Coupe du Monde ? Ah non plus, hein. J'aurais pas l'indécence d'appeler ça un boycott vu que même en temps normal j'aurais pas regardé. Un cul de jatte qui décide de boycotter Nike, j'imagine que l'entreprise s'en remettra. Hein. Non vraiment, le foot c'est une discipline sportive qui me passe totalement au-dessus. Alors attention, ceci n'est pas une chronique anti-foot. Hein. Ne tombons pas dans le cliché de l'humoriste de France Inter anti-foot, anti-Bolloré, qui fait des vannes sur Gérard Larcher en prenant une alimentation exclusivement saisonnière, faite de soupe de courge et de potimarron, distribuée en circuit court dans les paniers d'AMAP. Même si j'ai l'étrange impression d'avoir résumé mes chroniques de ces 8 dernières années. Non. Moi, je suis très heureux de voir les gens s'enthousiasmer pour quelque chose. Ça peut être le foot, le dernier très bon album de Mylène Farmer, ou un livre sur l'asphyxie des centres urbains par les grains de couscous écrit par Michel Onfray et Michel Houellebecq. Je suis content quand les gens sont contents. C'est juste que le foot contemporain n'est pas à la hauteur de quand je l'ai connu. Vous parlez de quoi ? De Pelé, Platini, Maradona ? Non ! Olive et Tom ! Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, ils sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom ou Captain Tsubasa en version originale, le manga de Yuichi Takahashi. Ça, c'était du foot digne de ce nom. Des terrains de 19 km de long, des gamins de 11 ans qui sautent à 8 mètres au-dessus du sol en prenant appui sur la barre transversale, des ballons déformés par la puissance du tir qui prennent feu avant de traverser les filets et s'encastrer dans un mur. Là, il y avait du spectacle. J'ai grandi avec ça et maintenant, vous voudriez que je réserve mes soirées d'hiver pour regarder Kylian Mbappé dribbler des types que je connais pas. Mais appelez-moi quand Kylian sera capable de faire ce que fait Mark Landers dans Olive et Tom. Non seulement Mark Landers il maîtrise le tir du tigre Mathilde, mais entre deux matchs il a 12 petits boulots pour aider sa mère et ses frères et sœurs. Il s'entraîne des potrons minés en tirant dans des vagues déchaînées, tout ça en se faisant maltraiter par un coach sportif qui a la descente d'alcool de Johnny Depp. Ça c'est le football ascenseur social que j'aime. Les commentateurs sportifs étaient surpris du niveau de l'équipe japonaise lors de ce mondial. Surpris ? Mais dites les médias français, vous avez jamais vu Olive et Tom ? Les japonais ils sont pas là pour niaiser. Ils ont des joueurs qui ont grandi avec le jeu vidéo et le dessin animé Inazuma Eleven. Alors ok, nous on a Benzema, eux, ils ont Axel Blaze et son tir de la tornade de feu. Donc le Japon, c'est une nation qui a exprimé son amour du football par le manga et les animés. Mais pas qu'un peu. Le sport a de toute façon toujours eu une place énorme dans l'histoire du manga. Je vous invite à lire l'excellent ouvrage « Manga, que d'histoire » du journaliste Mathieu Pinon aux éditions Larousse qui aborde le sujet. Mais le foot et les japonais, c'est comme le 49-3 et Elisabeth Borne. Une énorme histoire d'amour. Je pense à des mangas comme Angel Voice, A Hungry Heart, Whistle, Sayonara Football qui fait la part belle au foot féminin. Mais les deux gros hits du moment, il y a d'abord Blue Lock de Kaneshiro Moneyuki et Yuzuke Nomura qui fait l'éloge de l'individualisme et de la compétition appliquée au monde du football. L'histoire, c'est des centaines de joueurs de moins de 18 ans enfermés dans un centre d'entraînement futuriste qui vont passer plusieurs sélections afin de trouver qui parmi eux est l'attaquant ultime. Si vous voulez, c'est Hunger Games au royaume du football. Mais mon chouchou à moi, c'est presque l'opposé de Blue Lock, c'est Aoachi aux éditions Mangetsu. L'histoire d'Ashito, un jeune surdoué du football sans le sou, qui va se faire repérer et va être invité à rejoindre un centre de formation à Tokyo. C'est formidablement découpé et dessiné, mais surtout, c'est brillamment écrit. Les personnages existent, ils échouent, doutent, tombent et se relèvent au sens propre comme au figuré. Et c'est la première fois qu'un manga m'a fait comprendre ce qu'il pouvait y avoir de beau, émouvant et stratégique à la fois dans le football. Et tout ça, sans corruption, sans stade climatisé dans le désert, sans exploitation humaine, des fois la fiction a de meilleurs arguments pour défendre le réel que le réel lui-même. Frédéric Sigrist pour la chronique Blockbuster.